morts. Que tous ces chiens crient viva psychiatra. Mort. Et on remet la note pour la troisième fois. Mort. Vouloir nous boycotter relève de l'exploit. Mort. Si t'as espoir, je te prie d'y croire. Mort. Des rebelotes pour chaque bloc à chaque fois. Mort. Faire de la camelote nous intéresse pas. Mort. Vouloir nous boycotter relève de l'exploit. Mort. Si t'as espoir, je te prie d'y croire. Mort. Que tous ces chiens crient viva psychiatra. Eh, je m'en bats les couilles, moi, de votre rap, j'aime vos classes. Surtout à l'heure où des Comoriens meurent à Mayotte, à la nage. Moi, je rappe, pas pour les 10 aigris de ton quartier, ni pour tous ces rappeurs reconvertis en armure. Rien qu'ils sachent qu'ils sont pas mes modèles. C'est pas parce que t'as le tien sur le t-shirt, mais que t'es un rebelle. Appelle tes potes et dealers d'arrêter de faire les costauds. Non, pas d'avocats, mais des gynécos et potos. Laisse-moi loin de ça. Que je reste authentique pour représenter Africa. Ma tête est trop petite pour une couronne. Je n'ai que mes chiottes comme trône. Je suis pas le king ni le duc des bouches du Rhône. Moi je rappe comme je prie, toujours dans la même direction. Ouais, toujours les mêmes convictions. Pire depuis les dernières élections. Donc ne fleurit pas ma tombe avant d'y avoir mis mon corps. Enfoiré le monde fort. Mon gun est sur on. Mon. Que tous ces chiens crient viva psychiatra. Mort. Et on remet la tente pour la troisième fois. Mort. Vouloir nous boycotter relève de l'exploit. La vie d'Alonde, c'est pas un film, y'a pas d'Antonio Banderas. Si j'ai l'accent gitan, c'est que mon pote c'est Tony Rodriguez. Mala suerte à l'enfant de pute qui veut ma perte. J'ai grandi au plan d'Ao, salope, je vous cherche pas la merde. Je suis accroché au rap car je sais faire que ça. Je suis pas trop clash car je préfère m'inspirer de moi. Comorien de France, on est plein. Grand ami du Maghreb au quotidien. Le cœur blanc, les poumons noirs, la même voix. On se sape italien, on voit là l'étalage sur Mars. Gianni Versace, c'était un roi. Remplis ton réserve, voir Romain dans nos boules. Voir, tu peux croiser Guinomo dans la war. Rapé 16, Baroca, Via. Je donne tout là, tout là, la squadra, tout là. Le goût du foulard, du couloir. Je rappe avec une paire de popa mondiale. Qui c'est la gagne, les fillettes. Hashtag pour la roulette, je vous lègue. Mort. Que tous ces chiens crient viva psychiatra. Mort. Et on remet la tente pour la troisième fois. Mort. Vouloir nous boycotter relève de l'exploit. Mort. Si t'as espoir. Mort. Je t'en prie, dis-moi. Mort. Des rebelotes pour chaque bloc à chaque fois. Mort. Faire de la camelote nous intéresse pas. Mort. Vouloir nous boycotter relève de l'exploit. Mort. Si t'as espoir. Mort. Je t'en prie, dis-moi. Entends le son du Brabus comme les volets. Dans une arène, les toreros arrivent. C'est Sopra Bin, Sia, A.L.O.N. Dis-moi qui veut m'enfler, dis-moi qui veut nous stopper. Dégueu, dis-moi avant qu'il ait de la peine. Si tu croyais qu'on était mort avant le sort, qu'on était hors compète pour un combat de drapeau corps à corps. Si tu voulais qu'on prend de la poussière, non, depuis bloc parti, trop de galères. Faut bien que tu payes maintenant, faut bien qu'on se taille d'ici, qu'on fasse notre vie ailleurs. Les pieds sur terre grâce au public qui reste fidèle d'ailleurs. Les gens sont gays, les gens sont tristes, les gens sont trop haineux. C'est comme de partout, la réussite, elle fait trop d'envieux. Oui, elle fait trop de dilemmes, trop de problèmes à bord du navire. Trop de jaloux qui veulent qu'on tire notre révérence, je m'attends au pire. Et c'est la révolution, viva psychiatra, el colombiano para hermano y hermano. Que tous ces chiens crient viva psychiatra. Mort. Et on remet la tente pour la troisième fois. Mort. Vouloir nous boycotter relève de l'exploit. Mort. J'ai déjà espoir. Mort. J'te prie, j'y crois. Mort. Ces rebelotes pour chaque bloc à chaque fois. Mort. Faire de la camelote nous intéresse pas. Mort. Vouloir nous boycotter relève de l'exploit. Mort. J'ai déjà espoir. Mort. J'te prie, j'y crois. Mort. Que tous ces chiens crient viva psychiatra. C'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien, c